Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Ce balado est présenté par le Salon du livre de Montréal. Parce que c'est un bonheur d'occasion à s'offrir, parce que vos belles-sœurs y seront, ou pour chasser la bête intégrale. Toutes les raisons sont bonnes de visiter le Salon du livre de Montréal du 20 au 25 novembre à la Place Bonaventure. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la compositrice et suffragette Ethel Smyte. Odd and eccentric, Ethel certainly was. Ethel était assurément excentrique. Elle se moquait des conventions. C'était une personne authentique qui ne pouvait être autre chose que ce qu'elle était. Aucune prétention, que du naturel. En plus d'être galante, joyeuse et emballée par la vie, quoi qu'il advienne. And excited by life all the time, whatever might turn up. La femme de lettres Victoria Sackville-West à la BBC en 1958, en défiant les conventions toute sa vie, Ethel Smyte va aussi collectionner les premières. Elle sera la première femme à entrer en classe de composition au prestigieux conservatoire de Leipzig. Elle sera aussi la première femme compositrice à voir l'un de ses opéras être présenté au Metropolitan Opera de New York. Elle sera enfin parmi les premières suffragettes, ces pionnières à s'être battues pour le droit de vote des femmes. Monter une composition d'Ethel Smyte, c'est très différent qu'avec n'importe quel autre compositeur. Nous nous sommes rencontrés 6 mois avant le concert. Nous avons entretenu une correspondance très soutenue, si bien que durant les 2 derniers mois, je recevais une lettre par jour. Je devais la rassurer sur un détail qui la préoccupait ou je donnais suite à une nouvelle idée qui lui était venue. À la répétition générale de l'orchestre, elle s'asseyait au balcon et je lui lançais, à la blague, « À quelle vitesse voulez-vous que l'on joue ce mouvement aujourd'hui? » Elle était un peu imprévisible. Sur un extrait de l'opéra Entente cordiale d'Ethel Smyte, interprété ici par le Light Symphony Orchestra sous la direction du chef Adrian Bolt, vous entendiez justement Adrian Bolt à la BBC en 1958 pour nous présenter la compositrice et suffragette Ethel Smyte. Je reçois ma collègue Catherine Viribilli, qui est elle-même musicienne, animatrice, chroniqueuse à notre antenne. Catherine Viribilli, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous teniez à faire cette émission-là sur Ethel Smyte. Pourquoi? Pourquoi une émission sur elle? Qu'est-ce qui fait qu'elle vaut le détour, cette femme-là? Mais vous l'entendez, c'est parce qu'elle est fascinante. Ouais. Elle est fascinante, compositrice de grand talent, qui a réussi à se tailler une place dans un univers largement dominé par les hommes. Elle marque aussi l'histoire, vous l'avez souligné, par son implication dans le mouvement des suffragettes, on va y revenir. Mais c'est aussi parce que c'est une tornade. Et ouais. Moi, j'aime ce genre de personnage, personnalité flamboyante qui se moque des conventions. Elle fume le cigare, elle chasse, elle joue au golf. En amour, son cœur s'enflamme rapidement, parfois pour des hommes, surtout pour des femmes. Et je trouve que sa musique est à l'image de sa personnalité, c'est-à-dire passionnée, directe. Et finalement, je trouve que Ethel Smyte, elle est inspirante parce qu'elle fait les choses à sa façon. Elle aurait pu vouloir s'adapter à l'époque, aux hommes, au contexte. Mais vraiment, elle ne s'excuse pas d'exister, elle ne s'excuse pas de composer à une époque où les femmes ne composent pas, point final. Personnage inspirant, avec qui on ne s'ennuie jamais, ça, on le comprend déjà. Pour comprendre qui elle est, pour comprendre un petit peu justement à quel point elle brise effectivement toutes les conventions, il faut revenir à ses origines, il faut revenir à l'époque aussi. Parlez-moi un petit peu de ça, du contexte dans lequel elle grandit. Elle naît en Angleterre en 1858, ça veut dire qu'on est en plein victorienne, Catherine Viribilli, avec tout ce que ça veut dire. Avec tout ce que ça veut dire. En plus, elle vient d'une famille de militaires. Elle est élevée de façon très stricte. On lui enseigne la broderie, la musique, les règles de savoir-vivre, mais uniquement dans le but d'en faire une bonne maîtresse de maison. Et elle accroche, est-elle, sur quoi? Sur la musique. C'est vraiment sa première grande histoire d'amour. Dès l'âge de 10 ans, elle chante, elle joue du piano, elle écrit ses premières œuvres. Et très jeune, elle décide qu'elle va devenir compositrice. Son père, vous vous en doutez, douter, n'est pas d'accord. Il s'oppose vigoureusement à ce choix de carrière, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Écoutez, elle va lui piquer de l'argent pour aller à Londres assister à des concerts en cachette. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette victoire-là, c'est la première de sa vie, au fond. Réussir à convaincre son père d'aller étudier à Leipzig. Elle part donc étudier la composition au conservatoire de Leipzig en Allemagne et elle devient la première femme à être acceptée en composition dans ce qui est à l'époque l'une des plus grandes institutions de musique. Oui, mais le conservatoire aussi prestigieux puisse-t-il être, ça ne fait pas son affaire. Leipzig, ce conservatoire-là, c'est trop conservateur pour elle. On revient à cette personnalité flamboyante. Décide de partir, donc de quitter, de claquer la porte du conservatoire. Cela dit, elle reste pendant à peu près une dizaine d'années à Leipzig et cette période-là va être importante pour elle. Oui, donc on est dans la deuxième portion du 19e siècle et à l'époque, le conservatoire de Leipzig, c'est l'école où tous les musiciens rêvent d'étudier. Leipzig aussi, c'est cette ville inspirante au fond, ville de Bach, ville de Mendelssohn. C'est la tradition musicale qui est tellement riche. Alors moi, j'ai l'impression qu'elle aime moins l'école, mais elle adore la ville. Oui. Et elle décide d'y rester, donc d'étudier en privé avec un compositeur qui s'appelle Heinrich von Herzogenberg. Il l'accueille chez lui, la prend vraiment sous son aile et il va la présenter à tous ses musiciens influents. Pensez à Brahms, Dvorak, Grieg, Tchaïkovski, Clara Schumann, parce que tout le monde passe par Leipzig aussi. Alors, musique, théâtre, discussion avec les maîtres, c'est le rêve au fond, c'est le rêve de l'artiste qu'elle est. De retour d'Allemagne, Ethel Smyth revient à Londres autour de 1890, Catherine Verribelli, et c'est sa messe en ré, dont on vient d'entendre un extrait, qui la met au monde, si je puis dire, musicalement. Quelle importance a cette œuvre-là dans sa carrière? Mais je pense que c'est la confirmation de son statut de compositrice importante. Elle se fait remarquer, au fond. La messe est jouée au Royal Albert Hall, qui est très important dans tout l'écosystème là, de salles en Angleterre. Elle attire enfin l'attention du public, un public qui la connaissait peu parce qu'elle avait passé beaucoup de temps en Allemagne. Et surtout, moi, je trouve, elle établit son style, sa signature musicale très forte, avec vraiment des lignes musicales bien assumées, beaucoup de monde sur scène. Là, vraiment, on comprend qui est Ethel Smyth, la compositrice. C'est pas timide comme musique, à son image. Voilà. Ouais. Et les critiques disent une chose et son contraire, c'est-à-dire que sa musique est soit trop masculine, soit trop féminine. Ah bon? Et ça va revenir tout au long de sa carrière. Elle aura, au long de sa carrière, des critiques positives de Debussy, de Tchaïkovski, mais elle laisse personne indifférent, au fond, c'est un peu en lien, finalement, aussi avec le type d'œuvre qu'elle écrit, soit des pièces pour petits ou grands ensembles, mais beaucoup d'œuvres pour chœur, et c'est surtout là qu'elle va aller chercher des critiques élogieuses. Elle aime écrire pour la voix, et c'est intéressant, à une époque où, surtout en Grande-Bretagne, on se lance pas du tout dans l'écriture d'opéra, elle va en écrire 6, dont The Wreckers, Les Naufrageurs, que plusieurs critiques considèrent comme le meilleur opéra britannique jamais écrit. Et on en écoute un extrait, comme ça tombe bien. If luck should turn tonight, the wind from the south and sail our children's light, drive some ship on the rocks, bring us food or we die. Thank you. L'opéra de Wreckers, Les Naufrageurs en français, c'est vraiment, vous le disiez, Catherine Viribilli, elle va écrire quoi? 6 opéras? Oui. C'est son... Enfin, ce qu'on considère être sa plus grande œuvre. Oui, oui. C'est peut-être l'opéra le plus abouti, le plus complet. Musicalement, ça ne révolutionne rien, mais moi, ce que j'aime, c'est que sa plume, elle est mature, elle est efficace. Elle a une efficacité dans l'écriture, entre autres pour l'écriture des chœurs, et ça, c'est revenu même dans les critiques à l'époque. Vraiment, là, elle travaille très bien avec le chœur à l'opéra. Et c'est un opéra aussi, je trouve, qui va à contre-courant de l'époque, parce que, souvenez-vous, au 19e siècle, on apprécie d'abord quoi? L'opéra des Allemands, des Italiens, et peut-être aussi des Français. Mais après ça, quand ça vient d'ailleurs, on s'y intéresse peu. Et Smythe a dit, je m'en fous un peu, moi, je vais vous en écrire 6. Et avec The Wreckers, c'est intéressant aussi parce qu'elle aborde des thèmes assez particuliers. Les Naufrageurs, ça parle d'une petite communauté rurale qui attaque des navires qui frôlent la côte des Cornouailles, donc un sujet très britannique. Mais en même temps, elle parle de quoi? Elle parle de fanatisme religieux parce que les villageois font le mal au nom de Dieu. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas vu ou entendu tant que ça à l'opéra. Et moi, je pense qu'entre autres choses, pour cette raison-là, mais pour d'autres aussi, elle va paver la voie pour un compatriote britannique, par exemple, comme Benjamin Britten, qui lui va aussi se lancer dans l'opéra. Après. Ouais. Et c'est pas un hasard qu'elle écrive... Bon, elle s'est fait connaître, on entendait il y a quelques minutes un extrait de sa fameuse messe en Ré. C'est ça qui la met au monde musicalement quand elle revient à Londres. Elle écrit ses opéras. J'allais dire, c'est pas un hasard qu'elle écrive autant d'opéras, des messes. Elle l'aime. Ça fait partie de ce qu'elle aime en musique, le chant. Le chant, oui. Et même si elle reste dans ce romantisme tonal propre à la fin du 19e siècle, elle va vraiment utiliser la voix au maximum. Côté musique, là, je dirais ses idées musicales, ça évoque parfois Strauss, Brahms qu'elle a côtoyé, Dvorak, Debussy. Mais je reviens à cette idée que sa musique est le reflet de sa personnalité. Oui. Et c'est apparemment par la voix là, qu'elle sent qu'elle peut s'exprimer. Elle ne s'excuse pas de composer. Et on l'entendait aussi, hein, percussion, cuivre, cœur, montée, dramatique, elle y va, elle met le paquet. Je pense que si elle avait vécu à notre époque, elle aurait écrit de la musique pour le cinéma ou pour les jeux vidéo. Elle voit grand, elle aime les grandes formes, alors que justement, à l'époque, on considère que les formes plus féminines, par exemple, c'est la musique de chambre, c'est la mélodie avec piano. Elle dit, oui, je vais vous en donner, mais je vais aller ailleurs. Je veux un grand tintamarre pour qu'on m'entende, pour que vous sachiez que j'existe. Et selon moi, cette affection justement pour les grandes formes, ça nuit un peu aujourd'hui à son rayonnement. Parce que ça coûte cher, monter du Ettelsmeyer, au fond. Vous devez mettre beaucoup de musiciens sur scène et de prendre le risque, finalement, d'y aller avec non seulement un opéra peu connu, d'une compositrice peu connue, mais qui demande beaucoup de musiciens. Malheureusement, les directeurs d'opéra, directrices d'opéra, ben, pour l'instant, sont peu enclins, finalement, à prendre cette décision-là. Ce qu'on vient d'entendre, The March of the Women, va devenir une espèce de... une manière d'hymne des suffragettes, Catherine Viribilli. Et ça aussi, ça fait partie d'Ettelsmeyer, ce combat que vont mener les femmes. C'est l'époque, on y revient, ce combat que vont mener les femmes pour le droit de vote. Comment elle se découvre cette passion dans l'action politique et qu'elle embrasse le combat des suffragettes? Oui, et c'est intéressant parce qu'en début d'émission, vous me demandiez pourquoi il vous fascine tant ce personnage-là. Bien, c'est entre autres pour ça, pour cette parenthèse quand même dans sa vie, mais parenthèse très importante. Il y aura, oui, de la composition, mais vraiment son implication dans l'obtention du droit de vote pour les femmes, c'est très important dans sa vie. En 1910, elle se joint à l'Union sociale et politique des femmes, qui est le regroupement féministe pour le droit de vote des femmes à l'époque, fondé par la militante Emmeline Pankhurst. La rumeur, Jacques, veut que Smythe et Pankhurst entretiennent une relation amoureuse. Ouais. Et certains par la suite, ont peut-être douté justement de l'engagement véritable, là, du fondement de l'enthousiasme finalement d'Ethel Smyth. Or, il n'en est rien parce que, entre autres, elle s'implique tellement dans le mouvement qu'elle décide d'arrêter pendant 2 ans la composition. C'est incroyable. Elle dit « Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je dois soit composer, soit vraiment militer aux côtés de ces femmes. » Et elle arrête complètement la composition, sauf pour cette pièce, celle qu'on vient d'entendre, « The March of the Women », la marche des femmes, sur des paroles de Cicely Hamilton. « Marchons unies, fortes, fortes, tenons-nous enfin. » On comprend quand on lit les paroles là, pourquoi c'est devenu cet hymne-là pour les suffragettes. Ouais. En Grande-Bretagne, mais ça a débordé des frontières britanniques par la suite. Chansons militantes, chantées donc lors des manifestations, des rassemblements. Et il y a aussi cette anecdote, je ne peux pas passer à côté aujourd'hui, Ethel Smyth, donc on est en 1912, elle est arrêtée lors d'une manifestation à Londres. Elle est condamnée à 2 mois de prison. Elle est envoyée à la prison de Holloway, qui est une prison pour femmes dans le nord de Londres, où l'on entasse les suffragettes. C'est comme ça qu'on décrit l'endroit à l'époque. Et un jour, Ethel est dans sa cellule. Il y a des femmes dans la cour intérieure qui, spontanément, décident d'entonner « The March of the Women » et Smyth, selon la légende, mais ça a été vérifié, là, c'est vrai, elle aurait sorti donc son bras à travers les barres et elle dirigeait les femmes comme avec quoi? Avec sa brosse à dents. Alors, il y a cette image de vouloir s'impliquer à tout prix, même quand on est emprisonné. Ouais. Et ça montre encore une fois la femme qu'elle était, avec toute cette flamboyance. Ça va transpirer dans sa vie personnelle, ce tempérament, ce caractère. Cette femme aussi, on y revient, mais qui aime défier les conventions. De quelle manière? Parlez-nous un petit peu de la Ethel Smyth plus intime. Oui. Bien, il faut parler de sa vie amoureuse, d'une part parce qu'elle-même ne s'en est jamais vraiment cachée. Elle écrivait des lettres enflammées à ses passions. Elle a eu plusieurs passions amoureuses, dont plusieurs avec des femmes lesbiennes assumées, qui ne se cachent pas d'avoir cette attirance pour les femmes. Et elle a eu tous ces coups de foudre, réciproques ou non, parce que ça, il faut le souligner, parfois, ça ne fonctionnait pas de ce côté-là. Mais donc, parmi ces coups de foudre, il y a eu la peintre Pauline Trevelyan, la mécène franco-américaine Winnie Singer, dite princesse de Polignac, donc personnalité quand même assez connue, la romancière irlandaise Edith Somerville et, en fin de vie, Virginia Woolf, l'écrivaine, qui, elle, va refuser les avances d'Ethel Smyth, mais c'est vous dire à quel point elle ne se cachait pas du tout d'aimer les femmes. Il y a eu un homme qui a joué un rôle très important dans sa vie, l'écrivain Henry B. Brewster. Brewster qui va même lui faire la grande demande en mariage. Et elle va refuser, elle va lui dire, imaginez Jacques, le mariage est incompatible avec la composition. Donc, voilà. Tout simplement. Merci de l'offre, mais ce sera pour une autre fois. Mais elle va, les deux vont quand même avoir plusieurs collaborations et entre autres, c'est lui qui signe le livret d'opéra de The Wreckers qu'on écoutait un petit peu plus tôt. Ouais. Et puis elle vieillit, puis il y a un drame qui va survenir dans sa vie pour une musicienne, pour une compositrice, c'est que petit à petit, elle est atteinte de surdité, ce qui fait qu'elle va délaisser par la force des choses la composition pour se mettre à l'écriture, Catherine. Oui, et cette surdité-là en fin de vie, je trouve ça tellement dommage parce que sa musique sera de plus en plus jouée. Elle aura droit à des hommages. En 1922, par exemple, elle sera nommée dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Il y aura des cérémonies. Il y aura vraiment des foules qui vont se lever pour la saluer. Mais elle n'entend rien, Jacques. Elle est dans la salle et elle n'entend rien. Et elle va donc se retirer de plus en plus. Elle doit, par ailleurs, parce qu'on connaît là, sa personnalité, trouver une façon de s'exprimer. Et là, elle va le faire par l'écriture. Elle va écrire une dizaine d'ouvrages, surtout autobiographiques. Mais c'est intéressant parce que justement, ça nous permet de découvrir aujourd'hui encore plus sa pensée, ses réflexions sur la place des femmes. Et Ethel Smyth finalement meurt en 1944 en Grande-Bretagne à l'âge de 86 ans. La date est importante, 1944, son décès qui va passer inaperçu au fond parce qu'on est en plein cœur de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas s'arrêter pour saluer le départ de cette personnalité-là. Mais voilà, lentement mais sûrement, on lui rend hommage, mais à l'époque, ça passe un peu inaperçu. Oui. Et ça, de fait, c'est ça reste intriguant de manière double, en fait. Cette espèce d'oubli, pourquoi on oublie cette femme-là, compte tenu, puis on commence à le comprendre, à vous écouter, de l'ampleur qu'elle a eue musicalement, mais aussi ce combat qu'elle mène avec les suffragettes. Pourquoi cette espèce d'oubli? Et pourquoi, à contrario, il y a un regain d'intérêt depuis quelques années autour d'elle? Oui, c'est intéressant ce que vous dites et c'est une belle conclusion finalement quand on réfléchit à qui était Ethel Smyth parce qu'il y a toute cette réflexion-là qu'on doit avoir de plus en plus en musique classique. Les femmes et l'histoire de la musique classique, c'est une rencontre ratée. C'est bien connu, l'histoire de la musique a été écrite par les hommes. Elle a tassé les femmes qui ne pouvaient pas avoir, entre autres, des carrières d'interprète jusqu'à tout récemment. Et même si à l'époque d'Ethel Smyth au 19e siècle, on sent là, qu'il y a un changement lentement, mais sûrement, mais ça bouge tellement lentement. Ethel Smyth, elle donne ce souffle-là et on sait qu'elle a inspiré d'autres femmes par la suite. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est sûr qu'Ethel Smyth, elle est sans contredit victime de son époque. Moi, je me suis toujours dit, si elle avait signé John Smyth sur ses partitions et qu'elle avait parlé à personne, peut-être qu'on jouerait beaucoup plus sa musique aujourd'hui. Et elle a vécu tout au long de sa carrière des injustices assez odieuses. Là. Imaginez vos partitions, on les donne là, à un orchestre et un chef d'orchestre décide, sans vous consulter, de couper des pages et des pages de musique tout simplement parce que lui a décidé que il a le droit de faire ça. On ne faisait pas la même chose du côté des hommes, par ailleurs. Et c'est ça, en fait, l'histoire en filigrane de Ethel Smyth. C'est ça, en fait. C'est toute l'histoire, c'est tout le drame des femmes qui font de la musique à ce moment-là. Oui. En même temps, il ne faut pas mettre sur le dos de son état de femme les critiques négatives qu'elle a eues. Certaines sont méritées. Il y a des partitions qui sont plus inégales, mais il y a des partitions très, très fortes qui n'ont pas reçu les honneurs qu'elle mérite. Selon moi. Et disons-le, le simple fait que certaines de ses œuvres aient été jouées de son vivant dans les grandes maisons d'opéra, donc le Met, le Royal Opera House de Londres, mais ça relève d'un grand exploit. Et heureusement, depuis quelques années, et c'est vraiment là, au fond, la bouclée avec Ethel Smyth, c'est que le milieu du classique prend conscience du travail qui reste à faire. Avec des nouvelles recherches musicologiques qu'on a faites, entre autres, sur la vie et l'œuvre d'Ethel Smyth, on programme de plus en plus des œuvres de compositrices. Les femmes chefs d'orchestre aussi trouvent leur place sur le podium et on en parle. Ouais. On en parle dans les médias, comme par exemple aujourd'hui, à Aujourd'hui l'Histoire. Ouais. Il faut redonner la parole à ces femmes qui ont marqué l'histoire de la musique, mais qui malheureusement ont été tassées des livres. Et ça, c'est relativement nouveau, c'est vrai, mais on commence effectivement à le faire. On a fait une émission, par exemple, sur Clara Schumann. C'est un peu la même chose qu'Ethel Smyth. C'est quelqu'un qu'on a redécouvert il n'y a pas si longtemps, finalement. Ouais. Catherine Viribilli, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Catherine Viribilli, musicienne, animatrice, chroniqueuse culturelle également à notre radio. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Lord!